Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, l'affaire Rodney King. I was scared for my life. I have absolutely no thoughts of resigning. Please let all my friends out there know who think this is the time. I'm not going. Rodney King, cet automobiliste noir battu sauvagement par des policiers de Los Angeles, qui décrit en août 91 la peur qu'il a eue la nuit de son arrestation quelques mois plus tôt. Et puis le chef de police de Los Angeles, Daryl Gates, qui affirme, lui, qu'il n'a aucune intention de démissionner à la suite de cet incident. L'affaire Rodney King va ébranler l'Amérique. Le passage à tabac de Rodney King par la police de Los Angeles va être filmé par une caméra amateur et ces images, les images de cette arrestation, vont choquer les Américains. Le verdict d'acquittement des policiers accusés dans cette affaire provoquera, lui, les pires émeutes raciales de toute l'histoire des États-Unis. Les trois policiers accusés ayant participé à l'arrestation de l'automobiliste noir de 25 ans samedi dernier l'ont battu, lui ont donné des coups de pied et l'ont frappé sans savoir que l'incident était filmé par une caméra vidéo amateur. Le chef de police de Los Angeles, Daryl Gates, a regardé les images. Il pense qu'elles conduiront à des accusations d'agression avec une arme pouvant causer la mort. L'un des policiers l'a frappé avec une matraque 53 ou 56 fois. Un autre lui a donné 6 coups de pied. Un autre encore, un coup de pied. Extrait d'un reportage de la chaîne américaine ABC le 7 mars 91, quelques jours après l'arrestation et le passage à tabac de Rodney King. Pour nous raconter cette histoire, notre collaboratrice Karine Prémont, politologue à l'Université de Sherbrooke et chercheure à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand de l'Université du Québec à Montréal. Karine, bonjour. Bonjour. Un mot d'abord. Revenons sur l'importance que ça a eu, cette affaire-là. Je le disais, ça va ébranler, et ces images, entre autres, vont ébranler l'Amérique. Pourquoi cette affaire Rodney King est si importante? Elle est importante d'abord parce qu'elle est filmée, on l'a dit, on va en reparler. Alors, on voit pour la première fois, effectivement, comment les Afro-Américains sont traités dans une ville qu'on dit souvent progressiste, en fait. Et on pensait probablement que ça n'existait plus dans les années 90. Et ça ranime des vieux souvenirs, ça ranime probablement aussi des vieilles querelles. Et donc, ça mettait à jour, en fait, le travail du LAPD, la police de Los Angeles, qui était critiquée depuis plusieurs années déjà pour le traitement discriminatoire qu'elle faisait, en fait, face à la population afro-américaine. Et c'est d'autant plus percutant, vous le disiez, mais que c'est à Los Angeles, ce n'est pas dans le sud des États-Unis, c'est une ville, c'est un État, la Californie progressiste, et on se rend compte avec cette affaire-là, image à l'appui, mon Dieu, il y a encore des pratiques systémiques là, dans les corps de police de ce coin-là. Absolument. Qui s'en prennent au noir. Ce qui est aussi intéressant dans cette affaire-là, on va refaire le fil de l'histoire ensemble, mais c'est que ce qui se produit pour Rodney King en 91 ne cessera par la suite de continuer d'une certaine manière de se reproduire ailleurs aux États-Unis. C'est encore très, très actuel, cette affaire-là. Exactement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on regarde ces images-là, puis on se dit, mais en fait, il n'y a rien qui a changé. Ouais. Donc, c'est le même profilage racial, la même discrimination, le même affrontement constant entre les forces de l'ordre et les communautés afro-américaines, essentiellement pour des raisons d'incompréhension, pour des raisons, effectivement, de pratiques aussi un peu douteuses. On pourra en reparler. Mais donc, on se rend compte que ça change pas. Et les événements des années 90, ceux d'aujourd'hui, remontent aux années 60. On pourra en reparler aussi un peu plus tard quand on va parler des émeutes du quartier de Watts en 1965. Donc, tout ça, en fait, s'ajoute et nous démontre à quel point, en fait, c'est toujours un peu le même problème et qu'on n'a pas de solution encore. Alors, il se passe quoi, cette fameuse nuit, très concrètement, cette fameuse nuit du 2 au 3 mars 91? Rodney King est avec des amis, donc ils écoutent la télé, ils se promènent au parc et surtout ils boivent beaucoup. Et à un moment donné, ils décident, un peu après minuit, dans la nuit du 2 mars 91, de faire un tour en voiture. Quelle bonne idée. Alors, on décide de partir en voiture et on roule à tombeau ouvert, comme ça, dans les rues de Los Angeles. On prend l'autoroute et à un moment donné, on passe devant une voiture de police à une vitesse excessive. On parle d'à peu près 180 km/h. On sort de l'autoroute, on brûle des feux rouges, conduite dangereuse essentiellement. Et donc, la voiture de Rodney King et de ses amis est prise en chasse. Et Rodney King refuse de s'arrêter. Il est en probation. Il sait très bien que s'il se fait arrêter, il risque de retourner en prison. Alors, c'est pour ça qu'il fera ses manœuvres pour essayer de semer les policiers. Et finalement, il s'arrêtera à une intersection et instantanément arrivent plusieurs policiers en renfort. Donc, trois voitures de police. Il y a aussi un hélicoptère là, qui est dans le coin. Donc, il se fait arrêter à ce moment-là avec ses amis. Ses amis, en sortant du véhicule, obéissent tout de suite aux ordres des policiers, se couchent par terre, sont menottés. Rodney King, lui, fait un peu le fanfaron, fait des signes à l'hélicoptère en riant, fait des blagues un peu salaces à une des policières. Donc, fait un peu... Un peu de provocation. Les policiers vont essayer de le maîtriser avec un taser à deux reprises. Ça ne fonctionnera pas. Et c'est alors que les policiers, je vous dirais, le passent à une autre étape dans la mesure où ils pensent que Rodney King est peut-être intoxiqué au PCP, ce qui rend les gens un peu intolérants à la douleur, en fait. Alors, ils se disent, ben, s'il est intoxiqué au PCP, il va être dangereux. Alors, il faut faire quelque chose. Et c'est là que ça va déraper. Oui. Et ça va durer, ce dérapage, une bonne demi-heure, je pense. Oui. On l'entendait de la bouche même du chef de police il y a quelques minutes, 53, 56. Finalement, ce sera 56 coups. Oui. 56 coups de matraque. Voilà. qui lui sont donnés. Élément fondamental, tout ça, et les policiers évidemment ne le savent pas, est filmé par une caméra vidéo amateur. Oui. Ça, c'est déterminant. C'est déterminant parce que c'est ça qui va rendre en fait le caractère extraordinaire de la chose, c'est que ça va rendre cet événement-là public, ça va amener le procès, etc. Donc, c'est George Holliday qui est un plombier dans la trentaine qui entend des cris, entend du bruit pas loin de chez lui. Alors, il décide de sortir aller voir ce que c'est. Et dans les années 90, il faut se rappeler la nouveauté qu'est la caméra portative, la caméra vidéo. Donc, lui, il vient de s'acheter une caméra. Alors, par réflexe, il traîne maintenant sa nouvelle caméra partout. Il dort presque avec. Elle n'est pas très loin, en tout cas. Il la prend et il sort et il voit à quelques mètres de chez lui plusieurs voitures de police. Et effectivement, il va préparer sa caméra. Il va filmer, en fait, l'essentiel du passage à tabac de Rodney King par quatre policiers blancs. Trois essentiellement, un qui est un peu plus en retrait, qui regarde, mais essentiellement, pendant une trentaine de minutes, Rodney King sera littéralement roué de coups de façon assez sauvage. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que ce brave George Holliday filme tout ça. Son premier réflexe, Karine Prémont, il va vendre ces images-là des médias, mais son premier réflexe, c'est d'appeler la police de Los Angeles. Exactement. Donc, il appelle la police de Los Angeles et lui dit, écoutez, voici ce que j'ai. Pouvez-vous m'expliquer ce qui s'est passé? Moi, je veux savoir pourquoi j'ai pu voir ces policiers-là s'en prendre à un citoyen. Et la police de Los Angeles lui dit, écoutez, c'est rien, laissez tomber. On n'est pas intéressé à voir ce que vous avez. On ne le prend pas au sérieux. On le prend pas du tout au sérieux et ça termine l'affaire. Lui, il se rend bien compte du pouvoir des images qu'il a et c'est là qu'il décide effectivement de vendre ses images à une station de télé locale de Los Angeles. CNN, évidemment, va reprendre ces images-là et, comme on dit, the rest is history. Et là, c'est le choc, évidemment. L'Amérique découvre, le monde entier découvre ces images. Comment réagit la population américaine quand on diffuse ces images-là? La population de Los Angeles, en tout cas, elle est outrée. Il y a quelques sondages là qui circulent dans les jours qui suivent la diffusion des images. Et ceux qui ont vu les images considèrent que la police a utilisé une force abusive, évidemment, contre Rodney King. Et en même temps, je vous dirais que la population de Los Angeles elle-même n'est pas si surprise dans la mesure où ce n'est pas la première fois que ce genre d'histoire circule. Ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de la police de Los Angeles qui commet des actes à la limite de la légalité. Et c'est surtout pas la première fois qu'on entend dire que la police de Los Angeles ne traite pas la communauté afro-américaine de la même façon que les autres communautés. Mais l'outrage est général et national et mondial. En fait, tout le monde se dit comment est-ce possible dans un pays qui a effectivement réussi à passer cette question de ségrégation raciale-là pour en arriver finalement à un geste aussi, aussi violent. Et même si cette réputation de la police de Los Angeles existe, ce dont vous venez de nous parler, il reste que l'aspect racial, il y a la violence qui est une chose, mais l'aspect racial, plus spécifiquement, on ne le soulève pas tout de suite. Pas tout de suite. Il faudra attendre le procès avant que vraiment on en fasse une question raciale, parce qu'au départ, il s'agit simplement d'un citoyen qui a été arrêté de manière excessive, qui s'est fait rouer de coups par la police de façon injustifiée. Et donc, c'est un peu dans cette optique-là que le procès va débuter. Mais ensuite, effectivement, il y aura d'autres événements qui vont faire en sorte que, là, c'est peut-être une question de discrimination raciale, finalement, parce que là, il y aura d'autres éléments. Par exemple, quelques jours après l'affaire Rodney King, il y a une jeune fille de Los Angeles, Latasha Arlins, qui a été tirée à bout portant dans un dépanneur. Elle vient pour acheter un jus d'orange. La dame à la caisse comprend pas bien ce qui se passe et pense qu'elle veut le voler et lui tire une balle dans la tête. Latasha a 15 ans. Il y a aussi les commentaires racistes d'un des policiers, Powell, qui seront éventés dans les médias. Donc, il serait intervenu un peu plus tôt dans la soirée du 2 mars auprès d'un couple d'Afro-Américains qui était en dispute. Et il le fait référence dans son rapport à un film dégoré dans la brume pour décrire ce qui se passait. Alors, évidemment, ça a fait un tollé quand ça a été ébruité. Mais il y a aussi, il faut le dire, les remarques du maire Tom Bradley lui-même qui a laissé sous-entendre, en fait, que la police de Los Angeles avait une fâcheuse tendance à exercer une certaine forme de discrimination. Alors, quand on met tout ça ensemble, ben ça donne une saveur complètement différente au procès. Et effectivement, on va ressortir un peu tous les actes du LAPD. On va commencer à faire la liste de ce qu'on lui reproche depuis des années et on va se rendre compte que le fil conducteur, c'est ce double standard à l'égard de la population afro-américaine. Donc, ce procès qui s'ouvre le 5 mars 92, ce sera, si je comprends bien, à la fois le procès des policiers qui vont ruer de coups à Rodney King, mais plus que ça, c'est le procès d'une manière de faire de la police de Los Angeles tout entière. Exactement, parce que c'est l'impunité de cette police-là, en fait, qu'on essaie de voir, de scruter et éventuellement d'éliminer. Quelques jours après l'affaire Rodney King, il y aura une commission, la commission Christopher, qui sera mise en branle de toute façon pour essayer de proposer des réformes dans les façons de faire de la police pour éviter que d'autres situations comme ça ne se reproduisent. Mais le procès va vraiment mettre en lumière ces pratiques du LAPD et on va vraiment s'en prendre à cette impunité-là, bon, avec des effets mitigés étant donné le verdict, évidemment. En même temps, ce procès-là a lieu dans une communauté qui n'est pas Los Angeles, qui n'est pas South Central, le quartier défavorisé de Los Angeles. Ce procès-là aura lieu, évidemment, pour le plus grand bonheur de la défense dans le quartier de Simi Valley, dans la banlieue de Simi Valley. Une banlieue très blanche, plutôt conservatrice. Et en fait, il n'y aura aucun membre du jury qui sera afro-américain. Ouais, pour éviter, j'imagine, qu'il y ait un billet, va en créer un autre. C'est assez fascinant. Quelle va être la défense des policiers, Karine, au cours du procès? Leur défense, essentiellement, c'est qu'ils ont eu peur. Donc, puisque Rodney King faisait le fanfaron, puisqu'il n'obéissait pas aux ordres qu'on lui lançait, puisqu'il semblait être intoxiqué lourdement. Il l'était, mais à l'alcool, non pas au PCP. Donc, on a eu peur qu'il devienne hors de contrôle et on a voulu le maîtriser. Et puisqu'il continuait à ne pas obéir, bon, évidemment, lorsqu'on reçoit des coups de matraque par la tête, j'imagine que ça devient un peu difficile d'avoir un jugement clair. Mais pour eux, il ne répondait pas assez rapidement aux ordres qu'on lui donnait. Et Rodney King, lui, ne témoigne pas non. à son procès. Pourquoi? Premièrement, parce qu'il se rappelle pas de grand-chose. Premièrement, à cause des effets de l'alcool, mais aussi à cause de l'effet des coups. On juge que c'est peut-être mieux pour lui de ne pas témoigner. Ça pourrait peut-être jouer en sa défaveur s'il témoignait. Vous l'avez évoqué, le verdict, ce sera un verdict d'acquittement. Il sera prononcé le 29 avril 92. Autant la diffusion des images a été le premier choc dans cette affaire-là, autant ce verdict du 29 avril 92 est un deuxième choc. Ça va provoquer l'indignation du maire de Los Angeles, l'Afro-Américain Tom Bradley. Et puis ça va conduire, ce verdict-là, aux pires émeutes raciales de l'histoire des États-Unis. We saw what we saw, and what we saw was a crime. No, we will not tolerate the savage beatings of our citizens by a few renegade cops. Let them know! Let them know what time it is! That's right! Let them know! That's right! So no justice in America, not for the blacks! The justice is for the other man, not for the brother man. Certains marchands ont choisi de s'armer et d'assurer eux-mêmes la sécurité de leurs établissements. Mais d'autres se résignent. Don't break anything. If you need to get something, you don't get it. Yeah. Don't break anything, okay? Même des commerçants noirs sont la victime du pillage. You man, the white man, why did you embarrass me? L'automobiliste battu par les policiers, Rodney King, qui a été malgré lui à l'origine de toute cette histoire, a lancé un appel au calme en disant que tout ceci ne donnerait rien. We've got to quit. We've got to quit. You know, after all, I mean, I can understand the first upset for the first two hours after the verdict. Please, we can get along here. Des incidents se sont également produits à Seattle, Atlanta et San Francisco. Le maire de San Francisco a décrété un couvre-feu et promis de ramener l'ordre pour éviter, a-t-il dit, que la situation dégénère comme à Los Angeles. Maintenant, tout le monde attend de voir si à la tombée de la nuit, les différents couvre-feux seront respectés. Pierre Lecavalier, en Californie. Alors, Karine Prémont, quel sera finalement, ça va durer 5 jours, ces émeutes, quel sera le bilan de cette émeute-là? Une 50aine de morts, déjà, 2000 personnes blessées, des milliards de dollars en dommages, beaucoup de bâtiments en feu. C'est littéralement une partie du quartier South Central là, qui sera la proie de violence extrême pendant ces 5 longues journées. Évidemment, le fait qu'il y avait très peu de forces policières sur les lieux va en encourager d'autres, j'imagine, à se joindre à ce mouvement de révolte. Parce qu'au départ, c'est vraiment le verdict. Donc, il y a la question raciale qui met le feu aux poudres, sans faire de mauvais jeu de mots. Mais la police n'intervient pas, serait très, très critiquée. Mm-hmm. Et là, le petit crime va se mêler à tout ça aussi. Pillage. Évidemment, parce que c'est un quartier qui est le territoire de gangs de rue également. Alors, évidemment, on peut imaginer que ces gens-là vont en profiter par ailleurs. Et certains analystes vont aller dans ce sens-là parce que les premiers commerces qui seront ciblés par les pilleurs, les manifestants, les vendeurs, ce seront les débits de boissons. Alors, il y a eu certains témoignages à l'effet qu'il y avait plusieurs des manifestants qui semblaient effectivement ivres pendant ces jours d'émeute. Mais c'est clair que ce qui a alimenté tout ça fondamentalement, c'est la question raciale, parce que ça va au-delà de l'affaire Rodney King. C'est vraiment une espèce de ressac de tout le comportement du LAPD depuis des années à l'égard des Afro-Américains. Et c'est ça là, qui reflue là, pendant les 5 jours d'émeute. Ouais. Puis on l'a évoqué, mais la police va être très, très critiquée. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on reproche à la police de Los Angeles au cours de ces émeutes? Ce qu'on lui reproche, c'est de ne pas avoir pris au sérieux ce qui se passait. En fait, c'est de ne pas avoir anticipé le verdict d'une part, mais il faut dire que personne ne l'avait anticipé. Tout le monde s'imaginait, médias y compris, que les images étaient suffisamment fortes pour faire inculper tous ces gens-là. Et lorsque le verdict d'acquittement arrive, tout le monde est un peu pris par surprise. Donc, ce qu'on va reprocher aux policiers, c'est de ne pas s'être préparé, de ne pas avoir appliqué, autrement dit, les procédures standards dans ce genre de situation-là. Dès les premiers appels, une heure après le verdict, là, ça commençait déjà à éclater un peu partout dans le quartier. Et dès les premiers appels, les policiers n'ont pas pris au sérieux ce qui se passait là en disant bah, « c'est violent de toute façon, on va attendre que ça se passe, on va pas là, on va attendre un peu. Mm-hmm. » Et donc, ça prendra 4 heures avant que les policiers, finalement, décident d'intervenir dans le quartier. Au début, on donnait un peu l'excuse d'on est en train de préparer une escouade anti-émeute, alors c'est pour ça qu'on n'intervient pas. Mais ça va, évidemment, là, on peut l'imaginer, encourager un paquet de monde à contribuer à ces actions-là. Oui, puis la garde nationale va finir par intervenir. Oui. Puis bon, après 5 jours, on va remettre de l'ordre dans tout ça. Vous disiez, le verdict étonne et surprend tout le monde, la population, les journalistes, même le président des États-Unis. Vous allez voir avec ce qui suit. George Bush père, va être étonné par ce verdict-là. Il va s'adresser aux Américains à la suite du verdict et du déclenchement des émeutes de Los Angeles. Because beyond the urgent need to restore order is the second issue, the question of justice. Au-delà de l'urgence de ramener l'ordre, il y a toute la question de la justice. Les droits de Rodney King ont-ils été violés? Les images que j'ai vues et que vous avez vues à la télévision étaient révoltantes. Elles m'ont peiné et m'ont mis en colère. Comment expliquer ça à mes petits-enfants? Les défenseurs des droits de la personne, comme les citoyens ordinaires, qui craignent et qui sont parfois victimes de violences policières, ont été choqués. Des policiers aussi ont été choqués par ces images. En regardant ces images, on peut difficilement comprendre le verdict prononcé. Les défenseurs des droits de la personne que j'ai rencontrés en étaient sidérés, comme je l'ai moi-même été, comme Barbara l'a été et comme mes enfants l'ont été. Mais le verdict de mercredi n'est pas le point final à cette histoire. But the verdict Wednesday was not the end of the process. Une histoire qui aura des suites, dit George Bush aux Américains. Quelles seront ces suites, Karine Prémont? Le gouvernement fédéral va poursuivre les policiers au civil pour atteinte aux droits civils de Rodney King. Donc, on verra à ce moment-là 2 des 4 policiers être reconnus coupables et condamnés à 30 mois de prison. Un autre qui sera acquitté et un autre qu'on avait décidément finalement pas poursuivi. Donc, il y aura cette punition-là. Rodney King va également aller en procès contre la ville de Los Angeles et réussir à obtenir un dédommagement de 4 millions de dollars. Et il y avait cette commission dont on parlait précédemment aussi qui va faire des recommandations à la police de Los Angeles pour revoir un peu ses pratiques. Et on va aussi travailler de façon plus large à préparer des plans d'urgence, en fait, advenant le cas où des émeutes comme ça se reproduiraient, mais aussi pour travailler avec la communauté afro-américaine, mais aussi avec les policiers, pour améliorer les relations entre les deux groupes, justement pour atténuer ces tensions qui perdurent là depuis des décennies. Donc, réelle suite très concrète du côté de Los Angeles. Donc, la police va revoir un peu sa manière de procéder à la suite de cette affaire Rodney King. Bon, le brave Rodney King, vous le disiez, procès au civil, il a 4 millions en poche, mais sinon, qu'est-ce qu'il devient, Rodney King, après toute cette affaire? Je vous dirais que Rodney King continue à être Rodney King, c'est-à-dire que avant cette fameuse nuit, il éprouvait des problèmes de consommation d'alcool, de consommation de drogue. Il avait des démêlés réguliers avec la justice. Ce sera la même chose après. Évidemment, il va écrire un livre. Il participera aussi à des émissions de télé-réalité pour essayer de se débarrasser de ses addictions. Mais finalement, il va continuer à avoir des problèmes avec la justice toute sa vie. Il connaîtra une fin tragique en juin 2012. Il se noiera dans sa piscine. Évidemment, là, on retrouve des traces de plusieurs types de drogues dans son sang. Donc, pas une fin heureuse pour Rodney King. Évidemment, on peut imaginer que la célébrité, si on veut, qui lui est tombée dessus également, n'a pas dû arranger les choses. Well, Martin's dream has become Rodney's world. Nightmare can't walk the streets with them we are. Like a King, une chanson de Ben Harper qu'il écrit donc en 1994. Ben Harper, dans cette chanson, qui fait le lien entre Rodney King et le combat que mène plus tôt, évidemment, dans les années 60, Martin Luther King. Au-delà de cette image-là, Karine Prémont, quelle place va occuper cette affaire Rodney King dans cette histoire, dans ce grand combat des Noirs aux États-Unis pour l'égalité, en fait, des Noirs? En fait, Rodney King n'a pas voulu nécessairement ou n'a pas joué ce rôle de porte-étendard de la cause afro-américaine nécessairement. C'est une figure, figure symbolique. C'est une figure accidentelle, mais c'est aussi un symbole justement de ce racisme latent dans la société américaine et encore une fois même sur la côte ouest. Vous l'aviez dit, on n'est pas dans le sud, on n'est pas à une autre époque. Donc même dans le Los Angeles des années 90, donc Rodney King incarne d'une certaine façon cette brutalité policière, cette mésentente entre deux communautés, entre deux groupes, et va porter cette cause-là par-devers lui d'une certaine façon. Comme victime, comme leader, comme activiste. Ce ne sera pas un porte-parole, ce ne sera pas un activiste, ce ne sera pas un militant, mais il va porter ce fardeau de victime justement pendant les années qui lui restent. Et en même temps, il y a d'autres conséquences aussi. On a parlé ensemble du procès d'O.J. Simpson il y a quelques temps et ce qu'on apprend, c'est que quand les jurés sortent du procès, les jurés afro-américains disent que c'était une façon de venger Rodney King que de ne pas condamner O.J. Simpson. Donc, tous les membres du jury avaient en tête l'espèce de fantôme des émeutes de Los Angeles de 92 et on voulait absolument éviter qu'une telle chose se reproduise. Alors, on voit que ça va teinter les relations entre les policiers et la communauté afro-américaine aux États-Unis pendant assez longtemps. Et aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, encore une fois, que ce soit à Baltimore, que ce soit un peu partout aux États-Unis, on se dit, finalement, on n'a pas appris beaucoup de choses de cet événement. Karine Prémont, merci beaucoup. Merci. Karine Prémont, professeure de sciences politiques à l'Université de Sherbrooke, chercheure à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand de l'UQAM. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.